Cours numéro 16. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Akhadna fi darsina al-akhir al-naqid al-ashir. Fama hu? أي نعم، الإعراض عن دين الله عز وجل لا يتعلمه ولا يعمل به. فما معنى الإعراض عن دين الله؟ تفضل. يعني أنا لا يفعل ولا لا يفعل شيئا. نعم. أي يترك الدين بالكلية، لا علم ولا عمل. كذلك لا يوالي ولا يعادي. Il se court pas de dîn et combat pas de dîn. Voilà, il y a ta'allam ou la ya'mal. Hatta tawhid. Hala fil haqiqa. Il a rien à voir avec le dîn. Ma dîn. Il est hawla ad-dunya faqat. Fahada kufrun. Ali hada, Cheikh al-Islam, il l'a cité fi an-nawaqid. Wa dhakara ahlul ilm. Anna li'arada yinqasim ila qismayn. الإعراض سيستورني دلسي وذكر أهل العلم أن الإعراض يتقسم إلى دو كاتيغوري on a cité une de ces catégories et c'est du كفر et ça annule إسلام المرء et la deuxième catégorie ما هي تفضل نعم الإعراض الجزئي ما معنى هذا مثل ماذا؟ يعني يدرس الدين بالكلية complètement لا لكن il a des faiblesses معاصي il se détourne de certaines choses مع إقراره bien sûr أن هذا الشيء ça fait partie du دين هذا ça reste un مسلم لكن son إيمان il descend par rapport à cette ma'asiyah. Wa ala kulli hal, nous faisons des efforts dans la da'wa et on montre bi qadri ma nastati' wa nansah wa nubayyin celui qui est mukhlis fi da'watihi fa inshallah il y aura une tamra 'azima. Fa hadha an-naqid al-akhir. Thumma في الخاتمة ذكر شيخ الإسلام ماذا؟ pour conclure il a cité ماذا؟ رحمة الله عليه une مسألة مهمة عندما تفضل نعم لا فرق بين الهازل والجاد والخائف il a cité trois cas Et il a cité un quatrième cas, Al-Mukar. Amma Al-Khaif wal-Hazil wal-Jad, s'il se moque, il fait un de ses annulatifs pour plaisanter, ou parce qu'il a peur, faqat. Hada, c'est pas une excuse. Là, celui qui est excusé, c'est le Mukra. Et le Mukra, c'est plus fort que le Khaif. L'insan, il peut. Avoir peur et il n'est pas forcé. Dans ce cas, il yasbir. Et il tawakkal ala Allah. Subhanahu wa ta'ala. Amma al-mukrah, c'est une daraja au-dessus. Ma yata'alak bil-hazil, ay al-mustahzi, celui qui se moque. Fataqaddam ma'ana. Cheikh al-Islam, il a cité un aqid, un annulatif, fi hada. Baqi al-mukrah, hada, il est ma'adour. Ma dalil أن المكره لمعذور تفضل حديث عمرو بن ياسين نعم هذا السبب النزول الآية ما هي نعم قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان Hada, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir cité Alladhina kafaru, il a cité Azza wa Jal, Hada al-qism, aïe, c'est une exception, illa man ukriha. Lakin bi shart, an yakoun qalbuhu mutma'innan bil iman. Son cœur, il est mutma'in bil iman. Aïe, au fond de lui, il croit. Lakin il fait cette chose, min al-kufr, li annahu, il est forcé. هذا خلاصة هذه أو الدرس الأخير. نقرأ بعض أقوال أهل العلم في المسألة التي ذكرها العلامة الشيخ النجمي رحمة الله عليه فيما يتعلق بالإكراه. فما هي المسألة؟ كيف نقول رابل؟ إلى سيتي إن مسألة إلى بوزي إن كيستيون بارابور الإكراه ما هي؟ نعم الإكراه هل هو خاص بالقول أو يشمل الفعل est-ce que le fait d'être forcé ça englobe القول أي la parole والفعل et l'acte أو c'est spécifique au قول أي celui qui est excusé c'est celui qui dit une parole de كفر mais celui qui fait le كفر il n'est pas excusé c'est cette مسألة qu'il a cité الشيخ نجمي رحمة الله عليه إيه كأنه رجح أنه خاص بالقول نعم قال لأن الإكراه يكون بالقول دون الفعل وبالله التوفيق أما الدليل كلا سيتي دخل رجل الجنة في ذباب تقدم معنا أن هذا ضعيف هذا هذه القصة ضعيفة قال الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه أما إذا أكره الرجل على ذلك بحيث لو لم يفعله لأفضى إلى ضربه أو حبسه أو أخذ ماله si il est forcé ربما il se fait emprisonner أو on le tue أو on ne détaillera pas نحن مسألة par rapport au كفر il y a des ضوابط c'est quand que cette personne elle atteint le niveau de l'إكراه أو سيكون كيلي با إكسكوزي سا سي أن أوتر درس كون ديتايغا با نحن فقط أون سي بور لانستون كو سولوي كي فورسي إلي إكسكوزي ميم سي سي دو كفر لكن الشيخ نجمي رحمة الله عليه إلا بوز أون كيستيون إلا سيتي سيت مسألة إسكو سا أنغلوب القول والفعل أو سي بور القول بور لا باغول فقط دو كفر إسكو سا أنغلوب لاكسيون مثلا سو بروستيرني بور أوتر كالله إسكو سا أنغلوب هذا قال شيخ الإسلام ونحو ذلك من الضرر فإنه يجوز عند أكثر العلماء فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر ونحوه وهو المشهور عن أحمد وغيره جمهور العلماء la plupart des savants ils ont cité أن الإكراه s'englobe القول والفعل il y a aucune différence لماذا لأن on n'a pas de dalil pour différencier le qawl du fi'l. أما حديث قصة الذباب القصة ضعيفة. بقي يثبت على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وسيأتي إن شاء الله. فإذا قال فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر ونحوه وهو المشهور عن أحمد وغيره. وذهب طائفة إلى أنه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال ويروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ونحوه قالوا إنما التقي باللسان وهو الرواية الأخرى عن أحمد هذه المسألة اختلف فيها العلماء certains ils ont dit ça englobe l'action et la parole et d'autres ils ont dit c'est que pour la parole أما faire du كفر même si on est مكره لا يجوز جمهور العلماء أي أكثر العلماء يقولون يا أكن ديفيرانس لأن يا با دليل بور سبيسيفيه وبعض العلماء قالوا أنه سي كو بور الأقوال الشيخ نجمي لا شوازي هذا القول في هذا الشرح رحمة الله عليه أما قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه عين رواية عن علي بن أبي طلحة ليست رواية ضعيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس cette riwaya elle est souvent في تفسير ابن كثير وفيها ضعف et même s'il y a une autre riwaya صحيحة فهذا قول parmi الأقوال والصحيح c'est القول الأول. On répète لماذا لأن الفرس il est عام إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Dans le verset il n'y a aucune différence entre قائل الكفر وفاعل الكفر. Et pour différencier il faut un دليل. ولا دليل. Le hadith qu'ils ont pris pour argument il est ضعيف. ضعفه الإمام الألباني وكثير من العلماء رحمة الله عليهم. Et les أقوال c'est des أقوال. Il y a un khilaf بين أهل العلم. فالراجح c'est القول كلا ستشغ الإسلام نتيمي عن الجمهور. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغاب عنك, أي كأنه يغبون à واحد qui prétend que الإكراه c'est que pour القول, أي lui répond هنا. قال وغاب عنك, أي كأنه tu as oublié la parole d'Allah عز وجل من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلم يستثن الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إلى ستين celui qui est excusé c'est المكره. كأنه شيخ الإسلام يغيبون على cette personne par rapport à cette مسألة, أي celui qui est excusé c'est المكره. لكن إذا سيتي ما يتعلق بمسألتنا أي القول والفعل. قال والإكراه لا يكون على العقيدة على ما في قلب المسلم. Ça c'est important. الإكراه لا يكون فيما يتعلق بالعقيدة. لماذا؟ لأن تا trois choses. تا العقيدة ce qu'il y a dans le cœur, تا القول et تا الفعل. أولا شيخ الإسلام يفي سورتيغ القلب. الإكراه ça rentre pas فيما يتعلق بالقلب. لماذا؟ أحسنت, لأن القلب لا أحد يدري ما في قلبك. Un كافر مثلا il veut te forcer à ne pas croire. Comment il peut savoir si tu crois ou tu crois pas? Il saura si tu parles ou tu fais. أما في القلب personne peut te forcer. Donc ما يتعلق بالقلب ça rentre pas dans notre مسألة. Il n'y a pas de إكراه. On ne peut pas te forcer ce qu'il y a dans ton cœur. أبدا. هذا واضح كالشمس. قال بل على القول والفعل. Donc l'ikrah, le fait de forcer, on ne peut pas forcer quelqu'un par rapport à son cœur, donc il reste une parole ou une action. On peut te forcer de dire ou de faire. Amma croire ou ne pas croire, personne ne peut te forcer. لأن أصلا personne ne sait ce qu'il y a dans ton cœur. إلا الله عز وجل. والإكراه يكون على نعم قرأنا بل على القول والفعل فقد صرح بأن من قال المكفر أو فعله فقد كفر إلا المكره بالشرط المذكور. Et Allah سبحانه وتعالى dans ce verset il a cité أن celui qui fait du كفر من كفر بالله بعد إيمانه alors que c'est un مؤمن إلا من أكره sauf celui qui est forcé. Allah سبحانه وتعالى il a cité cette exception. Et il n'a pas détaillé est-ce que c'est un qawl ou un fi'l. Donc on reste sur la globalité. Quand on a un texte min al-kitab ou min al-sunnah qui est général, on n'a pas le droit de le spécifier illa bidali. Wa qawl al-rijal, qawl ahl al-ilm, c'est pas un délil pour spécifier une globalité. Là, qawl al-alim, tu t'en sers pour comprendre le verset. Amma spécifié là. Pour spécifier un texte min al-Qur'an, il faut forcément un autre texte min al-Qur'an ou min al-Sunnah. Li'anna al-Wahi, tu peux le spécifier qu'avec le Wahi. La révélation, tu peux la spécifier qu'avec la révélation. Wa illa, ça ouvre un bab grave. Mathalan, wahid yaqul anna al-khamr c'est haram. Umouman. Thumma ya'ati bi qawl et il dit, lakin fulan, il a dit que telle boisson, c'est pas pareil. Et il veut retirer, sortir cette boisson de cette globalité. Ça serait très très grave. Là, qawl al-ulama, c'est pas un délit. Qawl al-ulama, c'est pour expliquer le délit. Le délit, c'est fait l'ijma'. L'unanimité, c'est un délit. Amma huna y'a un khilaf. Donc on n'a pas d'unanimité. Baqiya, on a ce verset. Dans cette mes'ala, enfin, celui qui dit, ou qui prétend, anna al-af'al, ça ne rentre pas dans l'ikrah. لا بد يأتي بدليل من كتاب أو من سنة. أما أن نعيد الحديث كلا استشير نجمي فضائي والمسألة خلافية لكن الصواب قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كما ذكر هنا رحمة الله عليه. والله تعالى أعلم. على كل حال الصواب سيكسانغلوب القول والفعل. فقول الشيخ نجمي هنا رحمة الله عليه سنقول مرجوح الراجح سقول جمهور العلماء أنه سانغلوب القول والفعل. فعند قوله رحمة الله عليه لأن الإكراه يكون بالقول دون الفعل vous écrivez, vous mettez une note أن هذا القول مرجوح et vous mettez هو الصواب أو الراجح قول جمهور العلماء كما ذكر الحافظ ابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكثير من العلماء الجمهور. أما ما يتعلق بحديث الذباب les détails sur la cause pourquoi il est ضعيف في كتاب التوحيد ceux qui ont étudié كتاب التوحيد أو ceux qui l'étudieront إن شاء الله العلماء يسيت شيخ الإسلام plutôt il a cité ce hadith والعلماء يسيت est-ce qu'il est صحيح أم لا. Qui c'est qui veut réciter les dinawaqib? Man yastati, il les récite du début à la fin. Il y a mukhtasara. الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولمن يشاء. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه ومن الظالمين للأنصار ومنه الذبح لغير الله كما يذبح للجن من قبر. الثاني من جرى بينه وبين الله وصائت يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عن الكفر والإجماع. الثالث من لم يكفر المشركين أو الشك في كفرهم صحح مذهبهم كفر. الرابع من يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من هدي أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم التوحيد على حكمه فهو كافر. الخامس من أبغض شيئا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قول تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أنظر به كفر. والدليل قول وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قول ترى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي قوم الظالمين. التاسع من يعتقد أن بعض الناس يسره الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر أدي بعض من دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قول تعالى ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المتقون. ولا فرق في الجامع علينا وقيل بين الهازل والجلد والخائف إلا المقوى. وكلها من عظم ما يكون خطر ومن أكثر ما يكون وقوعا. فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضب وعنين وعقابه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسنت. لا فرق في جميع هذه بين الهازل والجاد. يا مد أما استودي والجد ساشانج المعنى والجاد. أحسنت. Continuez à les réviser et au début de chaque cours jusqu'à la fin, fawahid, celui qui a envie de réciter, fatayib. Pour le prochain cours, révisez-les, les 10, et celui qui peut, il les récite. Kadhalik, celui qui a le qudra, qui sait lire l'arabe, fayaqra, sharh, mathalan, Sheikh al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, fahuwa sahl. Ça lui fera réviser des choses que nous, on n'a pas cité هنا من كلام الشيخ نجمي. الطالب العلم يستفيد من أهل العلم. الشيخ نجمي son شرح il est مختصر, il est طيب وذكر كثير من المسائل Et peut-être que tu trouveras une mas'ala qu'il a pas cité, une fa'ida, fi sharh Cheikh al-Fawzan ou ghayr. كثير من العلماء يشرحون مثل هذه الرسالة الطيبة. Celui qui sait pas lire ou qui a du mal, يسمع. Faites des efforts dans la langue arabe. Ça viendra بإذن الله عز وجل. Et on voit les frères qui sont ici depuis un certain moment, wallahi alhamd, annahum, ils ont avancé jiddan fi hada. Continuez. Celui qui peut pas lire ou qui sait pas lire, يسمع. Alhamdulillah, l'an, ce genre d'audio, c'est très propagé, c'est très simple à acquérir. Yisma, hatta il habitue son oreille. Et s'il a appris le matn par cœur, ça va lui faire réviser le matn. Et il va corriger des erreurs. Yann al-alim, il parle en arabe. Fasat astavid. Tu vas apprendre des nouveaux mots, tu vas apprendre des fawa. Et ce que tu connais déjà et que tu vas comprendre, ça va te faire réviser. Hakada, tathwit al-ma'loumat. Répétition et istimrar. Maintenant, des fois, on fait une erreur, on finit ce genre de risala. Il y en a un, ce qu'on vient de finir, c'est un livre à part, une risala, la waqid de l'islam. On fait une erreur, dès qu'on finit, on met de côté et on avance dans autre chose. Et la haqiqa, c'est pas maîtrisé, tamam. Il y en a un, il faut répéter. Si on laisse dans une semaine, dans un mois, si on veut réciter par cœur, on ne pourra pas. Beaucoup de choses, on aura oublié. Donc, tu rajoutes un autre mois, un deuxième mois, un troisième mois, tu vas commencer à oublier. Hatta sharh. Qu'est-ce qu'on a vu ensemble? At-tafsil, les taqsimat qu'on a vu. Thumma, à la longue, rubbama, il ne reste pas grand-chose. Là, mitla hadihi al-rasa'il, que ce soit la waqid l'islam ou toutes les rasa'il qu'on fait ensemble, talibul ilm khassatan fil bidaya. Mais avec le temps, arrive à un certain niveau avec des autres rasa'il, alhamdulillah, ça sera acquis. Et tu feras des efforts dans des rasa'il d'un plus grand niveau. Et là, chacun, si tu as compris les livres plus vastes, tu comprendras. Lakin à notre niveau, nous sommes là, labud min al-ijtihad fi mithl hadhihi al-mutun mukhtasarat. C'est des usul. C'est ça l'ilm, c'est ça les fondements du ilm. Tout ce qui viendra après, ça sera basé sur ça. Tu trouveras des kutub mutawalat fi al-tawhid, ils détailleront le sihr. Akthar. Kafat al-Majid, par exemple, ils détaillent le sihr. Lakin, si t'as ce aslanta, tu sais que c'est du kufr, tu connais le dalil, tu connais al-mas'ala bel-ijmal, et en gros, tu connais c'est quoi le sihr et tu sais que c'est du kufr. Thumma, quand tu verras les détails, alhamdulillah, tu rajouteras les détails sur ta base. Amma, des détails sans base, ça fait que aggraver la situation de ce talib, il comprend encore moins. Faites des efforts, fihad, et on insiste. Il ne faut pas que ce soit qu'une nasiha bil qawl. Là, il faut qu'il y ait un tatbiq min wara dhalik, inshallah. C'est écouter. Kalam ahl al-ilm. Kalam ahl al-ilm, ce n'est pas comme kalam d'un talib. Abadan. Et al-kalam bil arabiya. Ce n'est pas comme al-kalam bil lugha al-francia. Ce n'est pas comme en langue française. Abadan. Faites des efforts fi hada. Et à chaque livre, si tu fais ça, tu verras qu'avec le temps, beaucoup de choses tu comprendras en arabe. La langue arabe, ce n'est pas que le nahou. La langue arabe, c'est pas que des règles. La langue arabe, c'est pas que les arabes. Là, ça c'est une partie. Faqat. Ahammu min dhalik, c'est comprendre. Et pour comprendre, avec cette façon, inshallah, tu avanceras. Wa min asal shuruhat, on répète parmi les explications les plus simples et les plus répandues, celle de Cheikh al-Fawzan. Il en a deux. On parle pas du livre et d'Oros, c'est un peu plus vaste. Là, on parle de l'autre. On a déjà étudié avec les frères des autres. Wallahi alhamd, elle est très simple. Encore plus résumée que celle de Cheikh Najmi, rahmatullah alayhi. Taqraha, et si t'as pas compris un mot, tu le notes. Si t'as pas compris une mas'ala, tu demandes. Si il a cité une fa'ida qu'on n'a pas vue, tu la cites. Hakada, talabat al-ilm, ils s'entraident entre eux. Et tu verras que si tu apprends l'habitude de hada, tu vas avancer fil ilm. Amma, se contenter que ce que le mudarris donne, et et ne pas faire des efforts à la maison et personnel, tu n'avanceras pas comme un autre. Profitez-en, Antum. Ça ne demande pas du temps. Ou un quart d'heure. Ou tu fais un aqid par jour. Très très vite, en 10 jours, avec le muqaddima, avec le khatima, 10, 11 jours, tu as fini. Tu as fini le livre d'un grand imam, Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, avec l'explication d'un grand savant de notre époque. Que ce soit Cheikh Najmi ou Cheikh al-Fawzan ou أو غيرهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق للجميع. قال المؤلف: التوحيد ثلاثة أنواع. وهذه هي الدروس كذلك مهمة في التوحيد. سي شابيتر الآن كي سيتي المؤلف التوحيد والشرك والكفر والنفاق jusqu'à la fin de la risala, c'est des chapitres très très importants. التوحيد سي أصل الدين. C'est دين جميع الرسل. كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. C'est ça, دعوة الأنبياء والرسل, c'est ce توحيد. Tu dois connaître هذه الأقسام, tu dois connaître الأدلة, tu dois comprendre pourquoi Al-Kuffar ils ont rejeté le Tawhid, pourquoi ils ont accepté une catégorie. Et tu verras que ça va t'ouvrir des portes في العلم, خاصة في علم التوحيد. قال رحمه الله الأول: أما هذه الأقسام, هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه, كما في مجموعة التوحيد وكذلك الدرر السنية. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يعتني بما يتعلق بالتوحيد. Beaucoup de ses رسائل c'est sur التوحيد, وهذا من كلامه رحمة الله عليه. الأول: توحيد الربوبية, وهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تقدم معنا في القواعد الأربع. Dans les quatre règles, on a cité cette mas'ala, ou on l'a expliqué avec كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فالكفار reconnaissaient هذا التوحيد, ولم يدخلهم في الإسلام, واستحل دماءهم وأموالهم, وهو توحيد الله بفعله تعالى. توحيد الربوبية, il a cité un تعريف رحمة الله عليه très simple وطيب مختصر. سي توحيد الله بفعله تعالى, تنفي الله سبحانه وتعالى dans ses affaires, et tout ce qui fait Allah عز وجل. Allah il donne la vie, il donne la mort, il guide qui veut, il égare qui veut. Tout ça c'est من أفعال الله عز وجل. فتوحده, Allah سبحانه وتعالى connaît l'invisible. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. فلا يجوز que tu associes une créature à Allah subhanahu wa ta'ala في أفعاله. هذا ça s'appelle توحيد الربوبية. وهذا الكفار يقرون به. الكفار يقرون هذا. Malgré cela, النبي صلى الله عليه وسلم استحل دماءهم. Il les a combattus. Il a fait le jihad contre Haoula. Une question importante là qui va se poser: pourquoi malgré qu'ils ont reconnu Ar-Rabb subhanahu wa ta'ala, en Allah il guide qui veut, en Allah c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, malgré cela c'est des kafaras, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. C'est ça la faïda azima que tu retires de ce genre de taqsim. قال: والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هتأمل هذه الآية: قل من يرزقكم من السماء, أي قل يا محمد, الله سبحانه وتعالى يجيب خبر صلى الله عليه وسلم دلا أي au kuffar. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il les appelait à da'wa, قل, أي dis-leur, من يرزقكم من السماء والأرض, qui c'est qui vous donne هذه النعم, que ce soit من السماء ou من الأرض, la pluie, l'eau, tous ces fruits, toutes ces viandes, toutes ces boissons. كذلك أما يملك السمع والأبصار, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui il veut, il facilite à qui il veut. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, qui donne la vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك, qui c'est qui donne la mort, c'est Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ, ils diront Allah. Ils ne vont pas renier. إِلَّا بَعْدَ الْمُلْحِدِينَ, qui ont du kibr, عِنَاد, et كثير من هؤلاء au fond d'eux, ils savent très bien. Lakin al-asl, c'est qu'ils reconnaissent, comme قال عز وجل, فسيقولون الله, ils diront Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui. Malgré cela, قال عز وجل, فقل أفلا تتقون. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité at-taqwa. Ça te montre que cette croyance seule, c'est pas min at-taqwa, c'est pas min al-islam, ça suffit pas. La bout d'une autre chose. Reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme créateur et كذلك l'adorer. At-taqwa. Wa illa, reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme créateur, ça suffit pas seul. Lianna Iblis, ra'su shar, il a jamais prétendu annahu c'est le créateur, annahu il croit pas en Allah, abadan, bel il reconnaît et il sait que c'est Allah le créateur. Khalaqtani min nar. Il sait très bien, lui, ce qui l'a fait sortir de l'iman et de l'islam et c'est devenu un kafir, c'est qu'il n'a pas voulu se prosterner. Il a eu de la jalousie, de l'orgueil. L'histoire avec Adam, alayhi salam. Enfin, il est sorti de l'islam et c'est un kafir billah. Ça nous montre un aslu da'wat al-anbiya, c'est tawhid al-ibada. Et c'est le deuxième qism. Qala athani tawhid al-uluhiyya. بعض العلماء اللي يقول توحيد العبادة وهو الذي وقع فيه النزاع من قديم الدهر وحديثه وهو توحيد الله بأفعال العباد. أولا الصراع بين المسلمين والمشركين بين الإسلام والكفر من قديم الزمن إلى يومنا هذا توحيد الألوهية. النبي صلى الله عليه وسلم إلى كومباتو كفار قريش par rapport à ce point. Pharaon, il a voulu faire du mal à Moussa par rapport à ce point. Ibrahim, ils l'ont jeté finnar par rapport à cette mas'ala. Chaque nabi, il a appelé son qawm à hada. Ba'd an-nas, ils ont répondu al-mu'minun al-muwahhidun et ba'd an-nas kafaru. Et ce kufr, il y a plusieurs façons qu'on verra inshallah ta'ala dans un chapitre sur le kufr. Ba'dhum c'est تكذيب بعضهم سعينات بعضهم سكبر بعضهم ils ont combattu بكير بعضهم إلى آخره. On verra ensemble إن شاء الله لا نستعجل. قال وهو توحيد الله بأفعال العباد. هذا التوحيد c'est par rapport à tes actes, à toi أيها الإنسان. أفعالك. أما الأول توحيد الله بأفعاله أو بفعله عز وجل. ومن فعله عز وجل الرزق والإحياء وال أو بلتو الرزق. نحن أحيانا نقول الرزق, أما الرزق سل المخلوق تدي هذا من رزق الله, أما الفعل سل بالفتحة الرزق والإحياء والإماتة إلى آخره. من أفعال العباد قال كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن وكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأفعال من أفعال الإنسان. C'est l'être humain qui va faire cette action. مثلا الدعاء. الدعاء c'est une عبادة. Pourquoi? لأن on a un دليل من القرآن. Cheikh Najmi va, il les a cités رحمة الله عليه في شرحه. Vu que c'est une adoration, on n'a pas le droit de faire cette adoration pour autre qu'Allah. C'est ça, at-tawhid. وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Enfin, celui qui donne une adoration ou qui fait une adoration pour autre qu'Allah, c'est un mushrik. لِمَاذَ لِيَنَا. Ces adorations, on doit les faire que pour Allah. تَوْحِيدٌ. فَهَذَا الَّذِي حَصَلَ فِيهِ النِّزَاعِ بَيْنَا الْأَنْبِيَا وَالرَّسُلُ وَأُمَمِهِمْ. Toutes ces guerres entre Al-Anbiya wa Rasul et leur peuple qu'ils n'ont pas cru. Toutes ces ma'arik entre le Mouahidin et Al-Mushrikin, min qadim al-zaman, ila ma sha'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par rapport à ce point. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu Kuffar Quraysh, pas pour dunya, ou pour une terre. Abadan. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Il les a appelés à ce tawhid. Quand ils ont refusé, il y a eu deux étapes. Au départ, ils étaient fidhaf. Hikmatullah Azza wa Jal. Ils étaient peu et ils n'avaient pas la force de combattre Quraysh. Fa amarahumullah subhanahu wa ta'ala bil hijra. Allah il leur a ordonné de sortir min inda al-kuffar. Wa nahnu nastafid une faïda azima min hada an ton parcours fil islam tu dois te prendre comme exemple un nabi sallallahu alayhi wa sallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Fa ida man Allah alayka bil istiqama awalan tu dois faire des efforts fi tawhid. Tu verras qu'à un certain niveau, pour celui qui vit عند al-kafara, à un certain niveau, tu ne pourras plus appliquer certaines choses, tu ne pourras plus faire apparaître certaines choses. لأن الكفار يحاربون الإسلام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a révélé de faire le hijra. Tu ne peux pas appliquer ton dîn au milieu des ennemis de l'islam, ils ne te laisseront pas. Et beaucoup de récits en avant de sahaba au départ, ils se sont fait torturer, Bilal ou Ammar. Certains ont été tués, la mère de Ammar, Soumaya, radiyallahu anha. L'imam allait en appliquer au milieu, ton dîn au milieu des ennemis de l'islam, ils ne te laisseront pas. Ils te combattront. Il a yawmina hada. Ne pas croire qu'aujourd'hui, là, ils ne combattent pas. Wallah, ils combattent ashad al-harb. Ils combattent al-mu'taqad, ils combattent al-ibadat. Et ils font du mal aux musulmans. Hatta ce musulman il faiblit et il avance plus dans son dîn ou il s'égare. À la kulli hal, il est fi khatar de vivre au milieu de haoula. Deuxième étape après le hijra, lamma tamakkana nabi sallallahu alayhi wa sallam et annas walillahi alhamd dakhalu fi dinillahi afwaj et il a bâti 7 dawla azima fi al-Madina. Ils ont fait al-jihad fi sabilillahi azza wa jalla. Fantasharat ad-da'wa. Hakada. Mais tu trouves un بعض الجهال, il est au milieu de kafara, il est tout seul, il connaît rien de son dîn, il appelle au jihad. Il a laissé des soufahas, aghbiya. Ils comprennent pas da'wat un nabi sallallahu alayhi wa sallam. Chaque chose a des causes et des étapes. Il y a un cheminement, c'est pas hakada. Wahad, il est tout seul, il se fait du mal, il fait du mal à lui-même et il fait du mal aux musulmans avec ses tasarrufat. الإنسان أولا إذا أبخان التوحيد يتمكن فيه في دي ديفور إن شاء الله مع الوقت قليلا قليلا سيب إدي للزوت وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى في الهجرة إلى المدينة إلى كنتينوية أبلي أسو التوحيد إذا كذبين دولة إذا بدا قوة بإذن الله عز وجل إذا بي فيغ الجهاد et forcer les gens à adorer Allah Azza wa Jal seul. C'est ça, din al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Al-Qismu al-Thalit, troisième catégorie. Tawhid al-Dhat wal-Asma wal-Sifat. Qala Allah Ta'ala, qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufwan ahad. وقوله تعالى لله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Troisième catégorie, توحيد الأسماء والصفات. وهذا انحرف في هذا الباب بعض المسلمين أو بعض من ينتسب إلى الإسلام كالجهمية. Et ce n'est pas des muslimines, fichés. Ou à part des muslimines, ça reste des muslimines, ou un harafou fi hada al-bab. Limada? Les annahum, ils ont délaissé tariqat al-salaf fi hada al-bab al-azim. Le Cheikh Najmi, dans son charh, il va citer manhaj ahli sunnati wal jama'a dans ce bab. Unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. Allah, il a des noms. Wa lillahi al-asma'ul husna. Il a des attributs, ولله المثل الأعلى, أي الوصف الأعلى. نحن on doit avoir un comportement في هذا. On doit avoir un comportement et croire comme les Sahaba ils ont cru. Ne pas rajouter, ne pas interpréter, ne pas ouvrir des abwab qu'ils n'ont jamais été ouverts avant. قال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. Si vous croyez comme ceux qu'ils ont cru avant vous, la même croyance, sans changer, rajouter, enlever, faqadih tadaw, c'est ça, la voie de la guidée. Tariqatu al-hidayah. Et le prochain dars, bi-idhnillahi azza wa jal, naqra, sharh, al-sheikh Najmi, il est mufid jiddan, rahmatullah alayhi. Ba'du ahl al-bid'a, ils ont nié hada, ou ils ont rejeté plutôt hada taqsim, Et ils ont dit, il n'y a pas de dalil. Ça, c'est un qawl, il est gharib. Jidda. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de dalil? Et tous ces adillas qu'il a cités, Cheikh l'Islam, et que Cheikh Najmi, rahmatullah alayhi, va citer, et que les ulama, ils citent qadiman wa hadithan. Lakin hum, leur ignorance, ils pensent qu'un dalil, il faut qu'il y ait un dalil. Le prophète, il a dit, le tawhid, il se divise en trois catégories. Tawhid, rububiya, wal-uluhiya, wal-asma, wal-sifad. Là, les ulama, ils ont cité ce taqsim que tu ne trouveras pas maintenant عند الصحابة. Sahaba, ils ne disaient pas tawhid, rububiya, tawhid, uluhiya, tawhid, asma, wal-sifad. Là, lakin, les ulama, ils ont cité ce taqsim pour faciliter. Ce taqsim, il est fondé sur des adillah. Fa'in al-ishkal. Lakin, ba'duhum, ils ont rejeté ce taqsim, limadha li annahum, ils savent très bien que wa'd an-nas, ils ont un problème fi tawhid al-uluhiyya. Et avec ce taqsim, anta, ça te clarifie très simplement anna ar-rububiyya, ça suffit pas, la bud min al-uluhiyya. Wa ba'd ad-dullal min hadha al-bab yunkirun wa illa fa al-ulama, ils ont pris ce taqsim min al-kitab wa min as-sunnah. Fi al-Qur'an, il y a des versets qui montrent que Allah subhanahu wa ta'ala c'est Rabb wahda. Il a des af'al et on n'a pas le droit de lui associer tawhid ar-rububiyya. Fi al-kitab wa as-sunnah adilla fiha anna al-ibada haqqun lillah wa la yajuz al-ishrak bihi fi hadha tawhid. Ils l'ont appelé tawhid al-uluhiyya, il regroupe l'adilla tahta hadha al-qism. Et des adilla qui montrent qu'Allah il a des noms et des attributs. Azza wa jal, ils ont regroupé ces versets, ces hadiths et ils ont appelé ce qism tawhid al-asma wa sifat. C'est pour te faciliter faqat. Mais celui qui comprend sans ce taqsim, l'amr sahl. هكذا من هذا الباب شروط الصلاة وواجبات الصلاة. Tu ne trouveras pas un dalil anna les obligations de salat c'est telle chose, les sunan c'est telle chose. Abadan. Lakin al-ulama, مثل Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab dans ses Razaïl, il cite ce genre de taqsim pour faciliter. C'est plus simple à apprendre. هكذا. كذلك anna, avec le temps, Ahlul Bida'a, ils ont propagé des shubah. Et al-ulama, avec ce genre de taqsim, yaruddun ala haoula. Il n'y a aucun mal fi hada al-taqsimat. Ou al-ulama, ils les citent et les ont acceptés, falhamdulillah. Naktafi bi hada al-qadr. Subhanak lahum bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ceux qui n'ont pas fini nawaqid al-islam, al-hifd, et ils n'apprennent rien d'autre en ce moment, va continuer. Celui qui n'a pas réussi à finir l'apprentissage en suivant les doros, Mathalan, il arrive au cinquième, au sixième, continue, akhi, et récite ce que tu peux. Akada, il y a le temps, alhamdulillah. Même si on a fini la risala et tu n'as pas fini, continue. T'es ma'djour. Chaque temps que tu prends pour apprendre, t'es récompensé. Kadalik, ça t'estavide. Ça t'estavide, incha'Allah ta'ala. C'est ça l'ilm. L'ilm, tu n'auras pas toujours les livres devant toi. Là. C'est des choses qu'il faut que ça soit dans le cœur. Donner du temps, c'est pas du temps perdu. Tant que tu donnes du temps à la mémorisation, il aime que c'est pas du temps perdu. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, il a une nasiha tayyib fi hada. Annahu yaqul anna, quand c'est un talib ilm, ba'd an-nas, ils ont essayé de le décourager à apprendre par cœur. Annahu, c'est pas le plus important. Al-muhim, assiste au durus, tu comprends, alhamdulillah. Cheikh Ibn Uthaymeen, il a écouté nasa'ih ulama'ih, wa minhum al-Sheikh Sa'di rahmatullah alayhi, annahum, ils insistaient beaucoup sur l'apprentissage par cœur. Wa qala Cheikh Ibn Uthaymeen annahu, il a continué à faire des efforts fil hifd. Thumma, plus tard, avec les années, c'est devenu un cheikh, c'est lui qui donnait les durus, c'est devenu un imam rahmatullah alayhi. Il a compris que heureusement qu'il avait donné du temps au hifd. Bel, il a dit, ce qui lui est resté, c'est al-hifd. Tout ce qui est venu après, il l'a basé sur son hifd. Et quand tu écoutes Cheikh Ibn Uthaymeen ou ghayruhu min al-a'imma, quand on lui pose une question, il n'a pas de livre devant lui. Et tu trouves qu'il répond, il cite des adillah. Pourquoi les anam, ils ont donné du temps au hifd? Ben, l'ilm sans hifd, c'est pas le ilm que as-salaf, il faisait des efforts pour acquérir. Là, là, la bud. Talib al-ilm, il se met bien ça dans la tête, annahu la bud min al-hifd. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout apprendre. Là, chacun par rapport à ses capacités. Celui qui peut apprendre hadith nawaqid en un jour, alhamdulillah. Celui qui peut en une semaine, celui qui peut en un mois, celui qui peut en deux mois. Hamshay, fais des efforts, al-ikhlas. Et n'oublie pas que tu es récompensé. Et la régularité. tu peux une ligne par jour, tu peux une page par jour, alhamdulillah. Wa hakada fil Qur'an wa hakada fi ahadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam.